Tunasalimia kila nduku na kila dada mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous saluons chaque frère et chaque sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na tuna profiter kusalimia banduku na badada banatufuata kwa njia internet. Et nous profitons de saluer les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Tutainamisha vichwa nipate kuomba Mungu. Inclinons nos têtes, je vais prier Dieu. Baba Mungu mufalme na mukozi Yesu Kristo. Père notre Dieu, roi et sauveur Jésus Christ. Tuna kupikia aksante tena kwa ishi kuya leo. Te disons encore merci pour ce bonjour. Shiaba tunakuwa mbele yako Seigneur. Nous voici venir encore devant de toi Bwana. Batu ba mabuzaifu na makosa ya mingi. Des gens faibles avec beaucoup de fautes. Mekimbilio yetu ni wewe Yesu Kristo. Mais notre secours c'est toi notre Seigneur Jésus Christ. Ni wewe Mungu peke ulane kalaka na samea na kondosha zambi umaisha batu. C'est toi le seul Dieu qui pardonne et qui ôte le péché dans la vie des gens. Moja tu ulana takasaka batu ni wewe. Le seul qui sanctifie les gens c'est toi. Na mmoja ne kalaka na tunza mili na mioyo ni wewe Yesu Kristo. Le seul qui guérit les corps et les cœurs c'est toi Seigneur Jésus Christ. Mwenyewe anapatianaka moyo mpya roho mpya ni wewe. Celui qui accorde un nouveau cœur, un nouveau esprit c'est toi. Biote tunaweza kupata Seigneur binatokea kambani kwako. Tout ce que nous pouvons recevoir ne vient que de toi. Parce que urilaka ndani ya Biblia kusema. Sababu tu as promis dans la Bible en disant. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Voilà pourquoi nous recourons à toi encore cet après-midi. Accorde-nous tes faveurs encore cet après-midi. Viens toi-même inspecter même nos vies. Délivre-nous totalement. Sauve-nous complètement, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, de garder ta parole. En tant que des hommes, Seigneur, nous allons lire cette parole. Mais tu en es l'auteur. Viens toi-même briser le pain pour nous ce soir. Parle comme jamais auparavant. Saisis chaque esprit. Même ceux qui suivent par la voix des ondes. Toi-même prends le contrôle de ces lieux. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit bouté dehors. Et dirige toutes choses pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous invitons à vous lever. Nous prenons Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Je vois quelques jeunes gens qui n'ont même pas de Bible, c'est compliqué. Vous suivrez la prédication sans Bible. Faut demander, il faut amener même le Nouveau Testament. Exode 23. Nous commençons verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Nous allons exploiter un sujet prêché par l'homme de Dieu William Marion Branham. Intitulé Une délivrance totale. La prédication a été apportée en 1959. Le 12 juillet. Je crois que 90% des membres de cette assemblée n'étaient pas encore nés. Ce sera ce qui nous servira de base. Nous allons jeter un coup d'œil dans Mon ange marchera devant toi. Et puis la foi en action. Nous communiquons souvent ces sujets. C'est pour permettre. Bon, actuellement, vous avez tous les sermons de Frère Branham sur le net. Lui-même conseillait ceci. Lisez et relisez le message. Mais on constate que en ces temps de la fin, beaucoup de gens ne lisent plus. Les gens ont des mégas pour d'autres choses. Mais alors que le message qui nous a été envoyé est très précieux. Le Saint-Esprit est en mesure de vous visiter quand vous lisez même personnellement. Amen. Amen. Lisez et relisez ce message. Lisez et relisez les lettres circulaires. Il y a des choses très très importantes. Le Saint-Esprit peut te parler, peut te révéler quelque chose, peut-être qu'il n'a pas encore été dit du haut de cette chair. Même vous, nos sœurs, il y en a qui écrivent toujours, mais qui ne lisent jamais. Il n'est pas dit que parce qu'on n'a pas le ministère, qu'on ne peut pas lire, non. Il faut toujours lire. Le Saint-Esprit n'a pas de limite pour se révéler à un homme ou une femme. Il n'a pas de limite pour parler à une femme ou un homme. Amen. Amen. Une délivrance totale. C'est comme la semaine passée. Toutes les fois que le Saint-Esprit donne une inspiration à un prédicateur, saisissez-en l'occasion pour saisir la pensée de l'Esprit et aller de l'avant. On a parlé d'un temps de décision. Il faut que saisir ce qui a été dit, ajouter une brique après une autre dans votre foi. Amen. Très bien. Regardez ce texte que nous venons de lire. C'était lors du premier exode. Observez bien que Dieu, dans chaque circonstance, à chaque événement, Dieu engage au devant de son peuple toujours son ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arrivé au lieu que j'ai préparé. Ça, c'était lors du premier exode. Le même Dieu qui a fait le premier exode, c'est le même Dieu qui est à l'œuvre dans ce troisième exode. Là-bas, il y a eu un ange. Aujourd'hui, il y a toujours un ange aussi. Et quiconque a été appelé de Dieu, l'ange du Seigneur doit être avec lui. Et même nous qui prêchons, l'ange doit être ici. Il ne faut pas que je dise mes pensées ou ma volonté. Il faut que l'ange me vienne en aide et me souffle ce qu'il faut dire, même me donner des écritures. Nous nous tenons dans sa présence parce que c'est lui qui est en train de chercher Rebecca. Amen. Ici, c'est le lieu, comme je l'ai dit. C'est ici où il y a le puits où Rebecca et l'ange doivent faire la rencontre. Vous croyez comme ça? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et l'ange, même cet après-midi, est à l'œuvre, faisant la cour à Rebecca qui est ici. Amen. Ça, c'est le premier exode. Pourquoi parle-t-on d'une délivrance? Parce que, frère, le Seigneur Jésus, le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est le seul. Quand il délivre, lui délivre. Quand il sauve, il sauve parfaitement. Quand il guérit, il guérit parfaitement. Quand il pardonne, il pardonne parfaitement. Quand il y a rémission de péchés, effacement total de péchés. Hébreux chapitre 7. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Verset 24. Mais lui, le Seigneur Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Frère, kama Yesu anokola muntu, kama Yesu anatunza muntu, kama Yesu anabariki muntu, hautakuta morinkucha shetani. Souvenez-vous, il y a eu dans la Bible un homme que Jésus avait guéri. C'était un aveugle. Jésus le regarde. Il pose la question, ce que tu vois? Il dit, oui, je vois des hommes comme des armes. Jésus a dit non. Tu vois les hommes comme des armes? Non. Il l'a rappelé. Il lui a fait une deuxième touche. Et cette fois-là, c'était clair. Quand Jésus t'appelle, frère, Jésus ne fait pas des hommes ou des femmes de demi-chrétiens. Jésus ne fait pas des hommes ou plutôt des demi-prédicateurs. Quand il appelle un homme, quand il appelle une femme, frère, il le sort des ténèbres totalement et l'amène à la lumière totalement. On ne peut pas trouver des choses comme un pied dedans, un pied dehors. Non, non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, ce n'est pas l'ange qui a envoyé ce message. Amen. Nous avons des choses réelles, une délivrance réelle, une nouvelle naissance de réelle. Quand un cœur est changé, quand un esprit est changé, ce ne sont plus des illusions, c'est une réalité. Et même la personne est témoin que mon cœur est changé, mon esprit est changé, je suis né de nouveau. On ne peut pas être là des années, ne pas être à mesure de savoir si on est né de nouveau ou pas, si on est baptisé du Saint-Esprit ou pas. Non, non. Ça, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Tu vois, généralement en français, les gens disent, quand ils veulent se justifier d'une chose qui n'a pas été correctement bien faite, ils disent, non, comprenez, c'est l'œuvre humaine. Toute œuvre humaine est sujette à des erreurs. Mais l'œuvre divine, quand elle s'opère dans un homme, dans une femme, jeune homme ou jeune fille, c'est une œuvre parfaite. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Une délivrance totale. Suivez comment le Saint-Esprit parle. Citation 48. Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, écoutez, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il lui faut pour prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Maintenant écoutez, citation 49. Tout comme vous, vous ma soeur, vous mon frère, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. On est ensemble. Dieu fait des chrétiens complets. Il n'y aura pas d'handicap. Il n'y aura pas quelque chose de Satan. Vous voyez les frères et les sœurs. Regardez comment Dieu parle à l'égard de l'ancienne alliance. C'est avec blâme qu'il rejeta l'ancienne alliance. Pourquoi? Quand il a appelé des gens dans l'ancienne alliance, frère, banduka, regardez des choses glorieuses accomplies par Noé, par exemple. Ayant prêché pendant plus d'un siècle, ayant rassemblé toute sa famille pour la construction de l'arche, ayant été témoin de la pluie pendant plus de 40 jours, et comment miraculeusement l'arche a survécu à tout ça. Noé sort de l'arche, il boit du vin, il a voulu à la mangou. C'est quoi ça? Un homme inspiré par Dieu. Il boit du vin. Et même sa nudité a été vue par ses enfants. Amen. Amen. Regardez un homme comme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Frère. Banduku. Comme si 499 femmes ne suffisaient pas. Il est au balcon de sa maison. De son palais. Yake, une femme d'autrui dans une douche. David jure, il dit non, il me faut cette femme-là. Anala, mais 400 autres ici. Sasa, bengine, ba, mia, il n'y en avait pas d'une telle carrure. Et yakuwa, mukimu, yaule, dans tel temps. Wa burembo, sa, un beau physique comme celui-là. Na umbo, ya, musuri, sa, ule, une femme d'autrui. Il l'engrosse même. Anampa, na, mimi. Il monte même des stratégies. Anaweka tana tengeneza tama mambo njoo kuisha mume wake. Ça c'est quoi ça? Ni nini le? L'ancienne alliance. Agano la kale. Si il faut épingler tout ça. Kama tunaweza kusema vile vyote. Vous allez voir des choses. Mutaona mabitu. Qui vous feront de la frisson. Vile bita mianza kumtetemesha. Et Dieu a vu ça. Na Mungu aliona vile. Dieu a dit non. Mungu alisema. Cette alliance ici. Hii agano. No. Il faut y mettre fin. Inafadhali kuishimamisha. La nouvelle alliance, frère. Agano jipya banduku. Dieu la voulait tellement parfaite. Mungu alitaka kuwe kamilifu. C'est pourquoi il a fallu un agneau. Njoo kwa maana alifadhali mwana kondoo. Pas comme le sang de bête et de bouc et de taureau. Hapana sawa damu ya wanyama bangombe na bambuzi. Et Dieu en regardant na Mungu mkuangaria, était rassuré d'une chose. Alihakikishwa na kitu kimoja. Ceux qui croiront dans cette alliance. Ya bale batamini mwe agano jipya. Sera une nouvelle génération. Itakuwa ni kizazi kipya. Avec des expériences vraies. Kinyekuwa na maonjo ya kweli. Amen. Amen. Un changement total du cœur et de l'esprit. Mabadilisho kabisa ya roho na ya moyo. Amen. Amen. Si bien que vile, des choses comme ceux de l'ancien temps là, il ne faudrait pas qu'on les retrouve ici. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé complètement. Il n'appartient plus à Satan, il appartient totalement à Dieu. Et regardez même quand la Bible parle. Vile, unasema, il dit, inasema, si vous bronchez, asema, kama unankotola. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, nikusema mwagano jipya, on branche, mbeko na koto la mu, mais on ne vit pas dans le péché. Lakini abaishi muzambi. Amen. Amen. 1 Jean. Yohane wa kwanza. Chapitre 3. Surati ya 3. 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza surati ya 3. Un Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura ya 3. Verset 6. Ou même on commence à 5. Tuanzie hata mstari wa 5. Or, japo, vous le savez, mnajua, Jésus a paru pour ôter le péché. Yesu aronekana njua kuondosha dhambi. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché ne peut pas demeurer dans l'incrédulité. Quand la parole lui est apportée, il doit lâcher prise toute autre chose qui n'est pas la parole. Il doit quitter les ténèbres. Amen. Amen. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire, où Yazari kwa malapiri. C'est-à-dire, tu n'es jamais né de nouveau. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne vit pas dans l'incrédulité. Il vit dans la foi. Dans l'obéissance. Mais néanmoins, en tant qu'un homme, il peut commettre des fautes. Amen. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. C'est très clair. Mungu frère, Dieu banduku, mwagano jipya, dans le Nouveau Testament, alionaka kusema itakuya ni bantu bene kunyoloka. Il avait vu que ça sera des hommes droits. Akika kama banokolewa, certainement s'ils sont itakuwa sauvés, itakuwa niokovu ya byakweli. Ça sera un salut réel. Kama mioyo inabadilika, itakuwa si kubadilika kwa byakweli. Ça sera un changement véritable. Auta kutaka bantu mu Biblie, mu agano jipya. Jamais les gens dans le Nouveau Testament, à un certain moment, si ce sont les choses de Dieu, je les abandonne. Il est moussemé, il n'a pas de quoi chétan. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit continue dans une délivrance totale. Tout comme vous, c'était la citation 49. Si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Ici, acceptons et disons, c'est ça. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants na Mungu wanafanya na batoto yake des chrétiens. Ba Christu. Mais parfois, lakini sa zingine, ils sont des demi-chrétiens. Ma wakati ingine beko ba Christu ba kipan. Amen. Amen. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Lakini yana nia ya Mungu bakuwe vile bakipande. Munafata? Vous avez suivi? Aina mawazo ya Mungu au kutaka kwa Mungu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Nduku na dada. Akuye samu Christu, qu'il soit comme chrétien, comme un païen. Sai komu kiakwabo, sai komu mambo. Dans les traditions, comme si dans les choses de Dieu. Sai komu dunia sashi na mtu. Comme si il est dans le monde, comme si il est pas. Mungu aikalake mapu ya Mungu ile. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Il n'a pas chez Zalane kufata na kabila yayo. Mbeko neno donne naissance à des enfants parole. Et kuna zala batoto neno. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Il continue. Anendelea. Ce n'est pas l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Aina mapenzi ya Mungu bakwe ba vile. Ce sont leurs propres voies. Ni manja ya bobo qui se sont menés au plan de Dieu pour leur vie. Jori changana na mapu ya Mungu maisha yabo. Ce sont eux-mêmes qui se rendent comme ça. Mais selon le plan de Dieu, si Dieu appelle un homme ou une femme, vous ne trouverez jamais un chrétien. Aujourd'hui, il croit. Miakatatu, miakaine, miakmokatan. Il s'en va d'abord dans le monde. Et il fait les rangs là-bas dans le monde. Tisha. Et il revient encore. Enfant de Dieu. Frère. Ndoku. J'ai cru à l'œuvre de Golgotha. Niliamini kukazi ya msalaba. Tisha vous allez comme à la pile. Frère. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Une personne qui erre d'abord dans les dénominations et il s'enivre du vin de Satan et il n'a même pas encore vomi, il retourne encore, il est toujours enfant de Dieu. Ça, il est. C'est propre aux dénominations. Regardez, il y a à côté de chez nous là-bas une église qui a commencé. Frère. C'est simplement des bruits. Pas qu'à délivrance. Simplement quand est-ce que ces gens ici prêchent? C'est-à-dire, eux, ne, pour eux, donc, quoi, que tu viennes de Kintuadi, du nord au sud, tu arrives, il n'y a pas de problème. Tu es enfant de Dieu. Tu repars, ce n'est pas un problème. Ils ne te cherchent même pas. Le jour où tu réapparais, tu es toujours enfant de Dieu. Non, non. Comprenez frères et sœurs. Ici nous sommes au puits où Rebecca rencontre l'ange. C'est ici le puits où normalement Rebecca doit venir puiser. Rebecca n'a pas cherché à coucher ta main. C'est ici où Rebecca, ni à part Rebecca, est préparée et on a terri pour aller rencontrer Isaac. Tu as quand même d'écouter Isaac. Et qui est à la rencontre? L'ange est au centre de tout ça. Oulé qu'on a Nishana, ni malaïque au katikati. Amen. Amen. Ce sont eux-mêmes ni Bob et Nyewe qui font ça. Job, on a dit, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Frère, Dieu, quand il donne même des types dans la Bible, tout est clair. Quand vous regardez l'ancien temps, quand Dieu appelait un homme, frère, il sortait de quelque part pour l'introduire dans un autre lieu. Regardez même le type avec le premier exode. Dieu n'a jamais sorti Israël d'Égypte pour qu'il traîne au désert. Non. L'objectif, c'était d'entrer dans la promesse. Mais observez même quand Dieu voulait pratiquement éradiquer toute cette génération. Moïse lui a fait voir ça. Tous les autres peuples diront que s'il n'a pas été capable de les amener dans la promesse. Et Dieu a dit d'accord. C'est ça la promesse. Dieu, ils doivent aller dans la promesse. Mais pas cette génération. Je prendrai des jeunes gens qui naîtront au désert ici. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez comment l'Esprit parle. Dieu ne veut pas qu'il soit des demi-chrétiens. Il veut qu'il se tienne complètement à la brèche. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le croyant lui-même. C'est la croyante lui-même, elle-même. Que fait-elle? Mélanger la parole avec sa propre volonté, ses propres principes, sa façon de voir. Et cela affaiblit la foi. Et la foi, c'est elle-même. Et l'homme reste un membre d'église. C'est nous-mêmes. Celui qui nous a attirés, c'est réellement Dieu. Mais ayant été attiré par Dieu, nous arrivons ici. Au lieu que nous nous abandonnons totalement entre les mains de celui qui nous a attirés, nous arrivons, nous faisons de ce tabernacle l'objectif final de notre déplacement. Comme si la raison fondamentale pour laquelle on a quitté les dénominations, c'était de venir occuper les offices, le diaconat, la chorale, et être connu un point très. Alors que la vocation, elle est céleste. Amen. Amen. Mais on prend la vocation céleste, on met de côté. Ça, ça, la vocation pour nous, c'est être ici, conduit de du pasteur, pastor a des frères et des sœurs, gagner la vie. Non. Nous sommes pèlerins et voyageurs. L'objectif pour lequel on a cru, frère, totalement ni kabisa, ce kabisa, qu'on n'avait pas avant. Notre objectif, hein, d'accord, Dio. Dieu peut me donner un mariage, Dieu peut me donner une maison, Dieu peut me donner un véhicule, mais ce n'est pas ça. Notre objectif, Shabba, c'est d'aller en haut ni kwenda kumbingu, et nous luttons pour ça. Mais quand tu t'arrêtes en chemin, c'est toi-même qui te fera demi-chrétien. Et les demi-chrétiens ne partiront pas. Ceux qui partiront, ce sont des chrétiens complets. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu d'appeler un homme et le faire moitié chrétien, moitié païen. Ça, ça n'existe pas chez Dieu. Ça n'existe pas chez Dieu. Comme dans toute la créature, on ne verra pas un oiseau demi noir et demi blanc. Non. Dieu, dans sa création, vous allez voir, il y a une variété, mais chaque variété a sa spécialité. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine passée, frère. Juma irpita bado. Écoutez comment le Saint-Esprit nous a dit. Sikilize vikileru mtakatifu tonesh. Je vais vous relire quand même cette citation là. Ta misomia tena mala ingine imsemu. Le Saint-Esprit par le messager. Rom mtakatifu kupitia mujumbe. Nous dit ceci. Le mémorial de Dieu, prenez ça. Makumbusho ya Mungu mubebe ile. Le mémorial de Dieu. Ça doit être la citation 54. Musemu nukta yake makumi tano na saba. Les mémoriaux de Dieu. Très bien. C'est du 18 août 1957. Suivez maintenant. C'est une citation qu'on a lue à deux reprises la semaine passée. Quand vous venez à Christ, quand Christ vous attire, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Ferme à quoi? Mara kunini? À ce que donne le Saint-Esprit. Regardez maintenant. Mwangari. Citation. J'avais parlé de la femme de Lot. Prenez la citation 69. Voilà, c'est là-bas. Et cette femme, na ule mwanamuki, à cause de ce qu'elle a fait, kwa sababu yale alifanya, Dieu donna un mémorial à tous ceux qui se retourneraient pour regarder en arrière, après avoir une fois accepté Christ comme leur sauveur personnel. Dieu a relayé ta Bible à Lot, a donné la forme de Lot, ça à l'âme, comme un signe, ça ukumbusho, comme un mémorial, à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, na, et Boba na mini, et il croit, macho, bengari na tupa macho kubia dunia et tena, qui continue encore à jeter les regards aux choses du monde. Dieu avait donné ça, Mungu aleta kaile, rappel, ça ukumbusho. À ceux qui croiront au Seigneur Jésus. Ils ont cru véritablement. Mais observez leur vie. Ça maisha eux-mêmes, tantôt un pied dedans, wakati un pied ndani, dehors. C'est le type là. Ni ile mfano. Suivez. Mfuateni. Cette femme, à cause de ce qu'elle a fait, Dieu donna un mémorial à tous ceux qui se retourneraient pour regarder en arrière après avoir une fois accepté Christ comme leur sauveur personnel. Mungu alimgeuza akuye kishukuru ya nchumvi sawa ukumbusho. Ah. Batamini Yesu Kristo. Kwa batu bote bale batafika mkuamini Yesu Kristo. Elle devait une colonne de sel. Akakuya kishukuru. Elle se tient là jusqu'à ce jour. Na data leo kwa hapo. On peut voir dans les champs une femme se tenant là debout. Wanaweza kuona mashamba mwanamke mwenye kushimama bwima. Sa tête tournée. Kichwa kinyegeuka. Kisha kuangalia kumkongo. Elle regarda en arrière par-dessus son épaule. Akangara kumkongo kupitia Rebecca yake. Citation 70. Et aujourd'hui, na leo, beaucoup de gens acceptent Christ de cette façon-là. Batu mingi bako namuchika Christ mwile na muna ya ule mwanamke. Est-ce que munashikia? Avez-vous compris? Na leo. Et aujourd'hui. Kuku banduku na badada ba mingi. Des frères, beaucoup de frères de sœurs. Beko nasema banamini Yesu Christ. Ils disent qu'ils croient Jésus Christ. Mumufano ya bibi ya Loti. Ah, l'exemple de la femme de Lot. C'est-à-dire mioyo yabo. C'est-à-dire leur cœur. Aina yote kwa Yesu. Ne sont pas totalement Christ. Abatipeleke. Ils ne s'engagent pas totalement à Jésus-Christ. Et ils continuent à garder leur, ce qui leur appartient. Et ils veulent en même temps garder la parole de Dieu. C'est ce qui fait les frères et les sœurs. Plutôt que de devenir des chrétiens complets, ils deviennent des demi-chrétiens. Et Dieu aussi, dans sa divinité, conformément à sa loi, et il n'œuvre jamais avec un chrétien. Tiens, moitié. Na utakawa mkanisa. Eh, tu feras longtemps dans l'église. Mais utakuwa member Camp of Tabernacle. Cependant, utakuwa member de Camp of Tabernacle. Utabeneficia bile ba member banapata. Tu bénéficieras de tout ce que les membres reçoivent. Mais venant de Dieu, tu ne recevras rien du tout. Bonne embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit continue, il dit ceci. Regardez, cette citation 70. Et aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent Christ de cette façon-là. Quand ils sortent du monde, ils se sentent comme forcés à le faire. Oh, cessez de vous ambifier. Ça, c'est nous qui le lui disons. Mais Rebecca, réellement, on ne lui a pas dit qu'il faut donner du breuvage au Samon. Toutes ces choses que vous voyez, les diacres appellent une soeur, un frère, ça, ce n'est pas l'accoutrement des chrétiens. C'est nous qui le forçons. Dans la loi de Dieu, si cette personne est sauvée, la vie qu'elle a reçue commence à lui enseigner, lui donne un discernement des choses, lui donne la compréhension des choses, lui ouvre les yeux et l'intelligence. Lui-même, il a maintenant un discernement de savoir que ça, ce n'est pas le comportement des chrétiens, ça, ce n'est pas l'accoutrement des chrétiens, ça, ce n'est pas le langage des chrétiens. C'est chaud sur mon téléphone. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il est catégorie c'est comme ça, ils deviennent très nombreux. Voilà pourquoi vous voyez, même dans ce sermon, même dans Imaubi, une délivrance totale, le Saint-Esprit dit ceci. La citation 45. Citation 45. L'église a été toujours dans la minorité. Kanisa ni kalaka kila mara paka mbwingi ya kidoko. Baloko sana. Un peu seulement dans la minorité. Est-ce que mungu nafata? Vous savez, Kanisa kila wakati. L'église en tout temps. Banekalaka ba chache. A toujours été dans la minorité. Sasa ngare bwingi tukwa. Maintenant regardez le nombre qui nous avons. Kanisa véritable bebo mangabi. L'église véritable, c'est combien de gens? Amen. Amen. Vous verrez que c'est un problème très sérieux. Ce n'est pas parce que je prêche. Pour moi, ça suffit. Non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes ou chez Machi que je puisse voir que j'ai atteint l'objectif. Nous devons veiller chacun de nous. Ça va, vous ne savez pas si vous êtes dans quel niveau. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit. La Bible n'a ses mains. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ni moi Corinto à Kwanza sura Kiakumi. Avancez rapidement. Moussogie Kumbelegu. Si vous voyez que vous n'écoutez pas correctement, vous me faites signe. Suivez la citation que je lisais. C'est la citation 45. L'église a été toujours dans la minorité. Elle le sera toujours. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Suivez ça. C'est sérieux. L'église sera toujours minoritaire jusqu'au retour de Christ. Maintenant, quelle est cette minorité que nous appelons Rebecca? Vous voyez que ce n'est pas un problème de voir que je suis caméraman, ça me suffit. J'ai été épousé vierge. Moi, je ne prends pas la bière. Le christianisme, c'est au-delà de toutes ces choses que nous nous fixons nous-mêmes comme objectif. Amen. Amen. Elle a toujours été une minorité. Mais Lakini, Dieu ne fait pas de demi-croyants. Ce sont les croyants eux-mêmes qui deviennent des demi-chrétiens et des demi-chrétiennes. Pourquoi eux-mêmes agissent comme la femme de l'autre? Ils ne viennent pas totalement à Dieu. Lui qui est le potier, lui qui a promis de donner la vie, de donner le Saint-Esprit. C'est ce qui manque à l'église. Et la délivrance totale est apportée pour susciter l'attention des croyants que Dieu ne peut pas m'appeler et me faire moi un demi-croyant. Dieu ne peut pas m'appeler avec comme objectif que je devienne ancien. Non. Dieu ne peut pas m'appeler pour que mon objectif soit la chorale ou le mariage. Non. Quand Dieu appelle, c'est pour t'équiper et utiliser ta personne comme étant un vase dans son royaume. Amen. Dieu doit t'équiper de la nouvelle naissance, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Qui agira à la place de Christ aujourd'hui? C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Chacun de nous, dans sa maison, dans sa famille, fera l'office de Eliezer. Chacun, pour sa famille, chacun est Eliezer. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour qu'on vienne seulement se rassembler, chanter, danser. Non. Regardez. Citation 70, je crois. Attendez. Attendez, j'ai mentionné ça quelque part. Écoutez, membres d'église. Elle est la véritable église. Elle est la formaliste. Tous nous sommes membres ici. Écoutez maintenant. Le membre d'église, membre wa kanisa, il est appelé à être membre de ce groupe-là. Alors, Japo, il ne fera aucun compromis. Atafanya matengenezo mapatano na kitu. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Si l'église, kama kanisa, le Kambov Tabernacle, maskani ya Kambo, croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, inaamini sema tupasha kucheza kumichezo ya feza, carte ya makuta, carte ya feza, dame ya makuta, jeu de dame ya makuta, si votre église à laquelle vous êtes membre ne croit pas dans le fait de suivre ces sales choses, qu'elle doit faire un véritable membre. Alors, ce membre ne devrait jamais toucher à ces jeux-là. Si votre église ne croit pas au fait de sanctifier, les membres, les soeurs doivent mettre de côté l'hydroquinone. Amen. Amen. Sans justification. Bila kujesabia. Si vous vous justifiez, kama wanza kujesabia, sabia, vous mélangez à votre foi uko na changa kuimani yako, un peu de levain. Chacho kidoko. Et quelle est la loi de Dieu? Na sheria Mungu ni nini? Chacho tu kidogo. Doit affecter toute la pâte. Itabamba bunga bote bunyikoka maji. Tu pamoja? Et insomme ensemble. Kama tunaamini. Sinu kroyo. Que même ma fête est. Attends, dans nos fêtes. Il n'a pas pas ma fête ya batakatifu. Doivent être des fêtes de saints. Tout ce que vous ajoutez. Chacho kiloko muneka ku imani. Ce sont un peu de levain que vous ajoutez à votre foi. Vous ne direz jamais au diacre, c'est seulement l'église. Si un diacre s'approche de vous, il vous dit, sœur, frère, toutes ces choses, ne les fais pas. Ici, nous sommes en affaire. Le diaconat, c'est à l'église. Parlez à Oweleokitu. Tu ne comprends rien. Parlez à Oweleokitu. Là, le diacre, parlez chez Machi. Un Eliezer pour toi. Anakuwa ni Eliezer kwa kuwei. Il s'approche de toi. Anakukaribia. Parce qu'il reconnaît que tu es une Rebecca. Sababu anatambua kwamba wewe ku Rebecca. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne croyons pas à la boisson. Chatuamini mkunywa pombe. Le membre devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ma loterie, ma PMU. PMU. Frère. Manduku. Oh, fanatique à Mazembe. Oh, Nico. Pendelevo à Lupopo. Fanatique à Chelsea. Pendelevo à Chelsea. Barcelone. CM. L'église ici. Kama kanisa hii. Ne crois pas au fait de faire la politique. Ayamini mu mambo ya kutumikia siasa. Un membre de cette église. Asa member wa kanisa anapasha kufanya nini? C'est de l'impureté. Ni inakuwa ni buchafu. Mungu pale. Êtes-vous là-bas? Sasa. Utenda mbali nabyo. Vous vous éloignerez de toutes ces choses. Bananjika wapi bananjika. Où est-ce qu'on a écrit? Où est-ce qu'on a écrit? Ça, c'est le messager de cet âge. Ni mujumbe wa mwika kizazi. Yako na mionyesha. Vous qui êtes membre maintenant. Mwe benye kwa membre hapa sasa. Amen. Amen. Qui avait été attiré. Mwe bale mruvutwa. Pour puiser à ce puits. Jo kushota kuikishima. Si nous ne croyons pas. Kama tuamini. Au jeu d'argent. Mu michezo ya fedha. Au tabac. Mu futa tumbako. Les membres d'église. Membre wa kanisa. Ne devraient jamais toucher à une telle chose. Ashipasha guse kubile bitu. Pourquoi? Jua nini? Dieu donne une délivrance complète. Mungu wako analeta ukombozi kamili ya utele. Amen. Dieu donne une délivrance complète. Mungu analeta ukombozi ya utele. Frère. Banduku. Vous savez, quand nous parlons de la délivrance complète, c'est-à-dire, on ne doit pas trouver en nous, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos affaires, un peu de levain du monde. Vous savez, regardez comment Dieu a instruit Israël. Pendant la fête de Pâques ou de Kadiri yale karamu ya mikate bila chachu. Ilikuwa ni mafeti mbili ya kuungana. Saka wanashangilia leo. Na ilifuata na mashiku saba. Ile mashiku saba. Ils ont les sept âges de l'église. Yenye kuya mashiku saba ya kanisa. Aba kupasha kupata chachu hata munyumba moya. Amen. Amen. On ne devait pas trouver du levain. Aba kupasha kupata muchachu. Même pas. Attaque donc. Même ton fils. Atatu. Même ta fille. Ata mutu. Et ta mesure. Et ta mesure. Maman. Et comme qui m'a conduit maman. Tu vas amener la malédiction. Où t'as tout l'été à l'âne. En suivant ces films. Mukufata et ma filme aïe. En amenant des jeux de cartes. Mukuleta ma michezo ya cartes. En amenant la lotion d'hydroquinone. Mukuleta ma futa ya kutakata. En amenant les fils. Mukuleta ma filme. Confondu aux cheveux. Ile manyushi ni nachangana sana na nywele. Utaleta laana nyumba yako yote. Na mwe batoto mshikale kimya mkuona vile vitu. Mutende sawa fine wa Biblia. Il avait vu son grand frère. Arunaka mkubwa yake. Kushavec une femme Moabite. Analala na mwanamke wa Moabu. frère. Fini n'a pas réfléchi. Fini a il a pas regardé à son grand frère. A dit, c'est mon grand frère. Il a pris l'épée de la parole. Il a poignardé et son frère et la femme. Et Dieu, du haut des cieux, a dit à Moïse, mon cœur est soulagé. Ah, moi, wangu na furahi. Ma colère s'est calmée. Dieu a sabbat a fini. Ça, ça va finir de quoi? Dans la maison de leur parole, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, vous voyez que ces choses sont tortueuses, mais tu t'étais parce que ça va produire de l'argent. Ça ne va pas. Aïe, vous dites. Et vous allez vous étonner comment ton héros à Mungu kutumika mkanisa. Comment nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu agir dans l'église? Ce qui parle ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, et si il y a Rebecca réellement, Rebecca, Rebecca doit s'aligner, Rebecca, et le Saint-Esprit sera manifeste. Parce que l'ange, jusqu'à ce soir, l'ange est ici. Malaïka est et l'ange ne se fait pas voir pourquoi. C'est à cause de toutes ces compromissions-là. Amen. Voilà ce qui nous bloque. Nous devons nous-mêmes nous arrêter et dire, est-ce que Dieu, quand il délivre, délivre-t-il la moitié? Non. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Mais tout vient que sasa, nini le Dieu qui nous a délivré est silencieux. On ne le voit pas à l'œuvre. Mais ce message que nous croyons, quand vous suivez le temps de décision, la dernière situation, le Saint-Esprit dit, l'ange accompagnera ce message partout. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, l'ange doit t'accompagner. Mais où est cet ange? Il y a quelque chose de faux. Je dois me poser la question moi-même. Na kujuliza, mi mwenyewe. Qui le dit? Et toi-même qui m'entends? Na wendu kukunashikia. On ne vient pas faire de la religion ici. Kufanya kidini. Nous devons vivre la répétition des temps bibliques. Tunapasha kuishi vile Biblia ilikuwa naishi. Amen. Amen. Nous devons vivre la répétition du temps biblique. La foi en action. Imani katika tendo. Tu veux comment le Saint-Esprit parle? Mfuate vile Mtakatifu kunasema. La foi en action prêchée le 3 octobre 1955. Citation 43 au milieu. Nukta ke makumi na tatu pa katikati. À quoi vous servira-t-il de lire sur un Dieu historique? Itemisaidia nini wakati mnasoma yule ya Mungu wa mwadisi? Alifanyaka. Oh, il avait fait. Ndugu Branham alifanyaka. Itemisaidia nini? Ça va nous aider à quoi? Frère, nous sommes en train de nyonesha kitabu Mungu moto ankundi mimi kuna sababu. C'est comme si vous me montrez un livre où il y a le feu et moi j'ai froid. J'ai très froid. Asimans kwangara tu hii moto. Tu me dis que regarde seulement le livre où il y a le feu. Le feu qu'on avait vu au temps de Frère Branham. Vois seulement tu auras chaud. Non. Apan. Non. Apan. Jamais. Kamwe. À quoi servira-t-il de lire sur un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Frère, Manduku, du temps de Rebecca, l'ange est accompagné d'Eliezer. Malaïka on a mshindiki za Eliezer. D'accord, c'est bien. Dio ni mzuri. Mais je suis Eliezer d'aujourd'hui. Sasa niko Eliezer wa leo. Je suis Rebecca d'aujourd'hui. Niko Rebecca wa leo. L'ange qui avait attiré Rebecca. Ule malaika alimkotaka Rebecca kutoka kwao. La convaincre à venir au puits. Anamhakikisha kwa kule kukishima. Aussi. Ni ule malaika anapasha na mimi pia kunivuta. L'ange qui avait donné l'inspiration à Rebecca. Malaika alitaka usukumwa na roho kwa Rebecca. Le chameau. Apate kulumisha bagamia maji. Ni ule malaika anapasha na mimi kusukumisha nipate kufunga chakula na kuomba. Yuse Biblia. Wakati ningu naona babijana watu washikupa na Biblia. Unapenda pastora leta agizo le cantique manyimbo ya mabitabu ya nyimbo napenda pastori na washemashi washemaye kule kwa Mungu, onesha makanti, onesha manyimbo yako ya nyimbo, onesha Biblia jo wingi avec Elie Rebecca, eti mliona kayo na kwa Rebecca. Rebecca, une parole lui a été adressée, neno tu moja wanamwambia que tu me donnes à boire, eti roza unipatia kwa maji ya kunywa volontiers, niko tayari. Wakati tu Eliezer alikunywa, je vais abreuver les 10 chamons. Tanywisha na bangamia yako ba 10. Je vais moi-même acheter les cantiques. Mimi mwenyewe nitauza manyimbo za Mungu. Je vais moi-même acheter la Bible. Mimi mwenyewe nitauza Biblia. Je serai à temps l'église. Takuwa kwa mbele ya wakati ukanisa. Quand il y a travaux, je viendrai. Wakati kuna kazi mimi nitakuja. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Hivi situ munafanya. Ces choses que nous faisons. Mishwa gani ki Kristo kia kufanana na kia. Je ne sais pas si c'est quelle forme dans de chrétienté. Dans le type de la Bible. Muma mifano ya mbiblia. On ne trouvera pas un christianisme ce que, du genre ce que nous faisons. Ah, utakuta mu kikristiani haina hii shetu kunafanya. Amen. Amen. On ne trouvera pas ça. Ah, utakuta hiyo mle mbiblia. Ça nous servira à quoi? Ite tusaidia nini? Frère Branham, frère, autant de frères Branham. Wakati ya Branham. Wakati ya Branham. Sasa malaika. Qui agissait avec Branham. Alikuwa anatenda na ndugu Branham. C'est le même ange qui nous a attiré. Ni malaika moja moja alitufuta. C'est le même ange qui nous a convaincu. Ni malaika moja moja alitufikishia. C'est le même ange qui doit être avec chacun de nous. Ni malaika moja moja anapasha kwa kila mmoja wetu. Est-il mort? Eti anesha kufa? Non. Hapana. Non. Hapana. À quoi sert, citation 44, à quoi sert-il de peindre un feu pour un homme qui gèle? Citation 44 vers le bas. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un Dieu ressuscité des morts qui est prêt maintenant même à faire tout ce qu'il a promis de faire pour confirmer sa parole. Frère, il donne le Saint-Esprit. Analeta Roho Mtakatifu. C'est trop, j'ai entendu ça. Minesha kuishikia. Je veux. Mina taka. Nipate kuonjo hiyo mimi mwenyewe. Il sanctifie. Eko natakasa. J'ai entendu longuement. Minesha kuishikia sana. Je veux être sanctifié. Napenda nikuwe mwenyewe kutakasa. Il donne un cœur nouveau, un esprit. Eko naleta moyo mpya, roho mpya, ndio. Que ces choses deviennent une réalité. Bile bitu ipate kuya ukweli ndani yangu. Il guérit. Eko naponyesha. Je veux être participant. Napenda nikuwe mshiriki wa hili. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons besoin de représentants. Na tuko lazima na wakutushimamia. Ah. Bantu bakonesha Yesu Kristo. Venant de là dans l'assistance. Bale banatoka mule makutano. Bale moi mondesha kuikala pale. Nous avons besoin de représentants venant de l'assistance qui sont disposés à faire reposer leur âme sur toute parole de Dieu prononcée et à la mettre en action. C'est dont nous avons besoin. Toujours la citation 44. Aujourd'hui, Léo. C'est des hommes ni batu, et des femmes banaume, banamuke, qui s'élèvent au front kumvita, et qui traitent les diables de menteurs et disent Jésus-Christ t'a dépouillé. Yesu-Christ wa shakuondosha uwezo yote. Tu n'as rien. Auna kitu. Amen. Amen. À quoi sert, citation 45, à quoi sert-il de faire qu'un oiseau ait des ailes alors que vous l'avez enfermé dans une cage? Il est celle où chaque mufungia mukachumba kakisangala. L'oiseau est là pour vous. La voix du salut, banaku pompe. On te prêche la voix du salut. Kikoani, 70 semaines, banaku pompe. Majuma, makumisa, mais tu es toujours là assis? Non. Non, non. C'est comme un aigle. C'est un oiseau, frère. Nindeke banduku. Prédestiné. Mwenye kutayarishiwa. Aller dans les hauteurs. Apate kwenda yulu kabisa. Plus que tout autre oiseau. Kupita bandeke bote bengi. Mais quand vous lui donnez sa nourriture, sasa, d'accord? Wakati unampatia chakula yake ndio. Une viande fraîche d'aujourd'hui. Nyama ya mbichi ya leo anakula. D'accord? Ndio. Mais vous l'enfermez. Sasa unamfungia. Ça ne sert à rien. C'est vouloir une chose et son contraire. Nekutaka kitu kimona ki na kipindu pindu kiaki. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu qui nous a appelés, le Seigneur Jésus, frère, il délivre et il fait de nous ses représentants. Nous représentons quoi? Son royaume, sa puissance, son autorité, sa sainteté, frère, tout sa divinité. Là où je me trouve, là, l'odeur de Christ m'accompagne. La puissance de Christ m'accompagne. Amen. Amen. Et ces choses, naibibitu, ce ne sont pas réclamées plus tard. Aina bia kulomba kishawa. Colossiens chapitre 1, on termine. Colossae sura ya kwanza ta malizia pale. Colossiens chapitre 1. Wa Colossae sura kwanza. Frère Branham disait, le monde est ma paroisse. Partout, un chrétien ne doit pas attendre seulement la chair, cette chair, à l'école, au marché, dans ta famille. C'est l'église que Dieu te donne afin de démontrer votre ministère. Danser, seulement danser ici. On te voit que tu es sous l'onction même dans ta maison, même dans ta famille. Colossiens chapitre 1. Colossiens sura kia kwanza. Verset 9. Mustara kia tisa. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous sachiez ce que Dieu attend de vous. Que Dieu sache que chacun de nous sache que Jésus m'a appelé. Afin que aujourd'hui les gens voient Jésus-Christ sur la terre. Que Dieu le Seigneur en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Voyez la sainteté et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Ainsi donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, tous les biens de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, nous avons part à ça. Nous avons droit. Amen. Tout ce que Dieu a réservé pour les saints, c'est pour nous. Pas plus tard, même maintenant. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun de nous médite, que chacun de nous réfléchisse. On nous a pas appelé d'être de venir seulement et nous arrêter sur à Kambov Tabernacle et de nous battre pour devenir des chemins. Qu'on sache comment vous dansez ou vous chantez. Notre vocation a un objectif très élevé. Chacun de nous doit se poser la question tel que je suis. C'est ça le salut. Tel que j'ai cette habitude de demander ma tribu, cette colère que j'ai, ces habitudes que j'ai, c'est ça la rédemption totale et la délivrance totale. La délivrance totale. Apan? Non, tout à chemin. Nous nous tiendrons debout. Mwenye kusiki ya kuja kwake Yesu, yeye ni mwokozi wa wenye makosa. Acha dhambi zako, mwamini yeye, kila mwenye dhambi notre Dieu.